Et on commence pour ce soir par une émission autour de Simone Veil, la philosophe, j'insiste bien, Simone Veil avec un W et pas la politicienne. Donc une émission sur Simone Veil et sur les lectures politiques de Simone Veil, sur ses engagements politiques, ses idées politiques. Et une émission qui se fait à l'occasion de la parution d'un livre sur ce sujet. Un livre qui s'intitule explicitement Simone Veil, lecture politique au pluriel, publié sous la direction de Valérie Gérard, qui est notre invitée ce soir, et qui est édité par les éditions Rue d'Ulm, les éditions de l'École Normale Supérieure. Et ceci s'explique par le fait que Simone Veil a été notamment une élève de l'École Normale Supérieure qui lui rend hommage malgré les quelques turbulences qu'elle a pu introduire dans l'institution à l'époque. Donc Valérie, bienvenue dans l'émission. Est-ce que tu pourrais, en introduction, nous présenter brièvement la figure de Simone Veil pour ceux qui, pour qui elle serait encore un peu floue ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc Simone Veil est née en 1909. Donc elle a fait ses études de philosophie à l'École Normale Supérieure et dès ses études, elle s'est engagée auprès des mouvements révolutionnaires, on précisera tout à l'heure, ça c'était au début des années 30. Puis, après avoir pris un poste de professeur de philosophie, elle est travaillée dans des usines, chez Alstom notamment, suite à quoi elle a approfondi des recherches sur la condition ouvrière. Autre fait marquant de son engagement politique, elle est allée en Espagne pendant la guerre d'Espagne, dans une colonne anarchiste, on y reviendra aussi. Elle s'est aussi beaucoup engagée contre le colonialisme, pour le pacifisme, et en 1939, elle a rompu avec le pacifisme qu'elle défendait depuis 1929, quoi, depuis sa jeunesse, pour s'engager dans la résistance contre l'invasion nazie. Elle a donc quitté la France, rejoint la France libre à Londres, puis elle est morte très jeune, en 1943, à 34 ans. Mmh. C'est un parcours qui intéresse au premier chef bon nombre de personnes dans les milieux d'extrême gauche, dans les milieux libertaires notamment, par sa singularité, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a été amené à fréquenter d'assez près des courants politiques qui sont proches du courant anarchiste. Tu l'as un petit peu évoqué, mais donc les communistes, le mouvement communiste, le mouvement syndicaliste, puis syndicaliste révolutionnaire. Puis le mouvement communiste oppositionnel, qui en tout cas entretenait une défiance vis-à-vis de l'URSS. Et puis, par la suite, l'anarcho-syndicalisme, les libertaires eux-mêmes, un peu brièvement. Donc on a là une trajectoire qui est intéressante par une proximité avec les milieux anarchistes, et en même temps qui est intéressante aussi par la distance qu'elle a pu introduire vis-à-vis de ces milieux-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais totalement adhéré. Et si on a décidé de faire l'émission de ce soir autour de Simone Veil, c'est aussi pour cette raison-là, c'est quelqu'un qui a toujours eu une perspective de réforme intellectuelle de la tradition révolutionnaire de l'intérieur. C'est quelqu'un qui a toujours introduit comme ça un petit écart avec les dogmes intellectuels, avec les orthodoxies militantes, ce qui fait que ses œuvres, bien qu'écrites dans l'entre-deux-guerres, nous parlent encore à nous aujourd'hui. Certaines des critiques qu'elle a pu adresser à l'époque au mouvement anarchiste, au mouvement syndicaliste révolutionnaire, sont des critiques qui sont encore valables dans nos milieux à ce jour. Alors ce qui est intéressant aussi dans la figure de Simone Veil, et c'est tu en parles bien en fait dans l'article que tu lui consacres dans le volume, c'est le fait que c'est quelqu'un qui a finalement toujours refusé la pureté des idées, on va dire, ou en tout cas la position désincarnée de l'intellectuel qui surplomberait la situation historique, les conflits politiques. C'est quelqu'un au contraire qui a toujours voulu être partie prenante de cette histoire et de cette politique, de ces conflits. Et en particulier, tu parles d'une pensée, la pensée de Simone Veil, d'une pensée sous conjoncture ou sous la conjoncture. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots, comment chez Simone Veil il y a une interaction constante entre la situation socio-historique et le développement de sa pensée, enfin ce qui fait un peu la spécificité de ce personnage. Oui, C'est que les textes, la plupart des textes qu'on a de Simone Veil sont des textes de conjoncture. C'est-à-dire qu'elle est, elle n'a publié qu'un seul livre de son vivant, Les réflexions sur les causes de l'oppression sociale et de la liberté. Et c'est tout. Sinon, il y a des articles, beaucoup dans des revues militantes, dans des revues syndicales, dans des revues révolutionnaires. Et qui étaient effectivement toujours des prises de position en rapport avec la conjoncture. Et c'est par rapport à ces prises de position qu'on arrive à retracer son propre parcours par rapport au communisme, par rapport au syndicalisme, etc. Mais donc elle ne théorise pas a priori ce que peut être le mouvement social, ce que peut être un idéal de justice sociale, mais elle réagit par rapport aux événements en Allemagne, par rapport aux événements en URSS. Et c'est toujours en réaction avec la conjoncture qu'elle s'éloigne souvent de position, parce qu'elle se retrouve toujours, effectivement, comme tu le disais, en porte-à-faux ou à distance. Et donc ces textes, elle veut aussi les écrire pour agir sur la conjoncture, mais avec l'idée que... qu'en fait, en étant pris dans la conjoncture, on est toujours dans l'ambiguïté, dans la contradiction, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais... C'est-à-dire, ça reflète un engagement de sa part qui est aussi forcé. C'est-à-dire, à partir du moment où on est pris dans le jeu des rapports de force, dans des luttes de classe ou dans des luttes entre les pays, il n'y a aucune position pour l'intellectuel qu'elle est qui est acceptable, et pourtant elle est obligée de prendre position. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'à la fois elle s'engage, mais à la fois elle est toujours à distance de son engagement. Mmh. Et c'est manifeste, notamment, on y reviendra tout à l'heure, mais au moment de la guerre, où elle a toujours été pacifiste, elle est très éloignée du gaullisme et de ses volontés d'hégémonie. Elle n'a pas du tout aimé la politique de la France de la première partie du XXe siècle, et pourtant elle est en position d'avoir à combattre pour la France, et c'est quelque chose qui est totalement contradictoire pour elle, et qui pourtant est nécessaire. Mmh. Et donc ses écrits reflètent ça. À la fois l'engagement est nécessaire, et à la fois il est forcément insatisfaisant et extrêmement problématique, et elle ne perd jamais ça de vue. Mmh. Alors, donc, tu parlais de ces positions. Ce qu'on va faire dans l'émission, c'est qu'on va essayer un peu de suivre sa trajectoire, de suivre ses différentes positions au cours de sa vie, en essayant de les aborder en trois grands moments. On va dire le premier moment, qui est le moment de son engagement, ses premiers engagements, en fait, aux côtés du mouvement ouvrier, dans le mouvement syndicaliste, et en particulier dans le syndicalisme révolutionnaire. Donc ça, c'est essentiellement les années 30. Et puis après, dans un second temps, on essaiera de voir un petit peu ce qu'elle a été sa position par rapport à la révolution espagnole en 1936, 36-37, et les suites de la révolution espagnole, c'est-à-dire la montée des tensions qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale. Et puis à la fin de l'émission, on essaiera de voir aussi le bilan qu'elle a essayé de tirer, en fait, de son propre parcours dans ces mouvements-là. Le bilan aussi, le bilan des luttes historiques, en fait, des échecs, des luttes des années 30, de l'échec de la révolution russe aussi, puisqu'elle a beaucoup réfléchi là-dessus. Et finalement, la sorte de testament intellectuel qu'elle a essayé d'écrire à la fin de sa vie dans un livre qui s'appelle L'Enracinement. Alors bon, je vais peut-être donner quelques éléments historiques, simplement pour présenter Simone Veil dans sa genèse, on va dire, dans comment cette figure d'intellectuelle apparaît, comment est-ce qu'elle se construit. Donc tu disais, elle est née en 1909. C'est une jeune fille qui est d'origine juive, bien qu'elle découvre sa judéité que tardivement, à l'âge de 10 ans, qui est complètement agnostique, qui est d'une extrême sensibilité, d'une intelligence hors du commun, qui est reconnue par tout le monde dès l'école, qui passe son bac très jeune, à 15 ans, qui fait tout de suite des études de philosophie, qui, alors, apparemment, aurait... très jeune aussi, déclarer son engagement, enfin en tout cas sa sympathie profonde avec l'œuvre théorique de Marx, puisqu'elle aurait lu le Capital très tôt, et puis avec ceux qui se réclament de cette œuvre, donc en particulier dans ce contexte-là, on est dans les années 20, avec les bolcheviks. Et puis à sa sortie du lycée, donc, elle s'engage dans les classes préparatoires aux grandes écoles, où elle devient l'élève du philosophe Alain. Alors Alain, qui par ailleurs était aussi un philosophe remarquée pour son engagement pacifiste. Donc je pense que c'est là une des origines sans doute de... Enfin, tu nous en diras peut-être plus là-dessus, mais de son engagement pacifiste. Au sein des classes préparatoires, c'est une élève modèle en un sens où elle est très intelligente, elle donne complète satisfaction à Alain, le philosophe. Mais c'est aussi une élève un peu excentrique qui se fait renvoyer pour indiscipline, qui se met à fréquenter les milieux pacifistes, qui sympathise avec le mouvement ouvrier, qui se rapproche notamment de cette époque-là des jeunes cheminots à qui elle donne des cours de littérature. Et puis en 1928, elle est reçue donc à l'école normale supérieure, ce que je disais en entrée de jeu, où elle continue ses activités politiques, ce qui crée quelques conflits avec la direction de l'école normale supérieure. Elle va s'opposer assez violemment à cette direction. Et puis, en fait, tout au long de ces années, elle continue de manifester quand même une proximité vis-à-vis du peuple, des faibles, des opprimés, de ceux qui souffrent, une proximité dont elle parle souvent dans sa correspondance. En 1930, agrégation de philosophie, elle est nommée dans un lycée de jeunes filles. Et donc, là, elle commence à rentrer en contact plus direct avec non plus seulement des militants syndicalistes, mais avec les militants d'un journal que les auditeurs de Radio Libertaire doivent un peu connaître, puisqu'il a occupé une grande place jusque dans les années 60 dans le mouvement libertaire, qui était le journal La Révolution Prolétarienne, une revue syndicaliste révolutionnaire qui était animée par Pierre Monat, Maurice Chambellan et Daniel Guérin. À partir de cette époque-là, Simone Veil a... on va dire une double activité, activité syndicale, de militantisme syndical au sein de la CGT. Elle s'inscrit à la section des instituteurs de la CGT. Et elle travaille à l'unification du syndicalisme français entre la CGT, la CGTU. Et autre versant de son activité, une activité théorique déjà dès cette époque-là, dans laquelle elle essaie de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de mettre la philosophie au service d'une réflexion sur le mouvement social, sur le mouvement ouvrier, sur les conditions d'une émancipation de la classe ouvrière. Donc là, en fait, c'est le moment où elle est pleinement lancée en fait, dans l'activité politique et intellectuelle, les deux n'étant pas dissociables. Ensuite, et puis après je te donne tout de suite, je te laisse tout de suite la parole. 1932, elle commence à prendre ses distances avec l'URSS, avec le communisme, enfin le communisme sous sa forme stalinienne. Elle rencontre brièvement Trotsky, elle adhère un temps, dispute, elle le rencontre physiquement, une dispute entre eux, elle s'en éloigne. Et puis là, elle fait la rencontre de Boris Souvarine, dont on va peut-être dire un mot, et de ce qu'on a appelé le communisme oppositionnel, c'est-à-dire en fait des gens qui ont participé à la fondation du mouvement communiste français, du Parti communiste, mais qui en ont été exclus pour déviationnisme, c'est-à-dire souvent pour indiscipline vis-à-vis des ordres de Moscou. Alors la figure de Boris Souvarine va être importante pour je ne sais pas si on peut dire la formation intellectuelle, mais en tout cas pour l'engagement politique de Simone Veil. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot? Oui, parce qu'elle rencontre Boris Souvarine à un moment où, comme tu disais, elle prend ses distances par rapport au bolchevisme et plus généralement aux communistes, notamment à cause de l'attitude des communistes en Allemagne, où elle commence à... Parce qu'elle a fait un voyage en Allemagne en 1932, elle a écrit là-dessus des articles pour la révolution prolétarienne plutôt lucide, et elle trouve l'attitude des communistes allemands totalement irresponsable, et elle leur attribue une part de responsabilité dans la victoire d'Hitler. Et lorsqu'elle rencontre Souvarine, qui a écrit... Il a théorisé ça, et elle rencontre quelqu'un qui, tout en étant engagé dans le mouvement, a déjà réfléchi sur cette question. Et, notamment, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Staline, aperçu historique du bolchevisme », et Simone Veil s'est démenée pour qu'il parvienne à se faire publier. Mmh. Et elle a écrit ce livre à son maître Alain, dont on parlait tout à l'heure. C'est le seul livre honnête sur la question, sur le communisme. Mmh. Donc elle adhère entièrement, et elle devient très amie, en plus, personnellement, avec lui, avec Souvarine, avec sa femme. Ouais, elles deviennent très très proches. Mmh. Et alors, ce qui est spécifique en fait dans dans le communisme oppositionnel, enfin dans la figure de Souvarine et dans ce qu'il va développer comme sur le plan théorique, c'est le fait, contrairement aux trotskistes qui pensent que l'URSS est un État ouvrier dégénéré, Souvarine et ses compagnons, qui sont rassemblés dans la revue La Critique Sociale et puis dans un petit groupe politique qui s'appelle le Cercle Communiste Démocratique, eux, ils vont essayer de théoriser le fait que, en fait, l'URSS n'est pas un État ouvrier dégénéré, c'est tout simplement un État dans lequel le capitalisme s'est rétabli purement et simplement, mais qu'au lieu de devenir, au lieu d'être un capitalisme libéral avec un marché libre, une concurrence libre et non faussée entre guillemets, comme il y a à l'Ouest, au contraire, c'est un capitalisme de développement forcené, d'industrialisation à marche forcée, qui se fait sous l'égide d'un parti qui a conquis tous les leviers de commande de l'État et donc qui assume une dimension totalitaire. Donc c'est ça la spécificité de Souvarine et de son groupe, c'est de théoriser le fait que l'URSS est un capitalisme d'État bureaucratique, quoi. Et ça c'est une analyse qui est encore assez marginale dans les milieux de l'extrême gauche des années 30. Oui, et ça rejoint la critique qu'elle fera de la condition ouvrière en France, mais qu'elle comprendra encore mieux après son passage en usine, qui est que la classe ouvrière ne peut pas être le moteur d'une liberté tant qu'elle est totalement justement sous l'emprise de la bureaucratie des usines, de la bureaucratie du parti, de la bureaucratie des syndicats. Mmh. Et c'est au fondement de toute une critique justement du on en reparlera tout à l'heure à propos de la guerre, mais du rapport des moyens et des fins, c'est-à-dire on ne peut pas le peuple ne peut pas s'émanciper avec des structures d'organisation qui sont bureaucratiques et qui reposent sur la coercition et sur la subordination de la plupart des militants à un appareil aussi structuré, aussi violent qu'un appareil d'État. Mmh. Donc dès ce moment-là, on peut dire ça c'est sa critique de l'URSS, mais on va dire la conséquence logique en est qu'elle adhère à une conception du socialisme qui est une conception qu'on pourrait qualifier de libertaire, en tout cas qui est anti-bureaucratique, anti-étatique déjà dès cette époque, on peut le dire. Oui, ça vraiment, ouais. On peut le dire. Voilà. Et ce qui l'a conduit, bah, du coup, dès les années 33-34, à fréquenter par voie de conséquence des représentants du mouvement anarchiste. Parmi ceux qui sont connus, Nicolas Lazarevitch ou André Prudhomo. Soit des anarchistes, soit des gens de ce qu'on appelle l'ultra-gauche, c'est-à-dire en fait du communisme de conseil, des gens qui étaient proches des idées de Rosa Luxembourg. Et en même temps, à la même époque, Simone Veil ne tire pas seulement les leçons du stalinisme, elle essaie de tirer aussi les leçons de ce qui se passe en Allemagne, de la montée du nazisme. Et en fait, ces deux réflexions convergent dans l'écriture en 34 d'un livre dont tu as déjà parlé qui s'intitule « Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». À ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer ça d'un point de vue biographique. En tout cas, il y a une sorte de retournement un peu dans sa vie qui est que, alors que jusqu'à présent, elle était institutrice, elle était dans l'enseignement, elle décide de prendre un congé pour études personnelles. Elle décide de faire par elle-même l'expérience du travail en usine et de la condition ouvrière. Alors comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous dire à la fois ses motivations et puis comment ça s'est déroulé en fait ? Je pense que les motivations sont à la fois intellectuelles et politiques, je pense, parce qu'elle écrit son grand œuvre, comme elle l'appelait, donc les réflexions sur les origines de la liberté et l'oppression sociale, où justement elle écrit déjà sur ce que c'est que la condition ouvrière, le rapport aux machines, le rapport à l'organisation du travail, mais avec une vue purement théorique. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi, elle éprouve le besoin d'aller peut-être vérifier sur place et d'aller quand même approfondir en faisant l'expérience, quoi, comme un sociologue fera un travail de terrain. Il y a aussi quelque chose qui est présent en elle depuis toujours, qui est son besoin d'être aux côtés des opprimés ou des gens qui se battent. Mmh. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle partira en Espagne. Elle dit je ne peux pas, quand je pense à des gens que je soutiens leur combat, je ne peux pas rester à l'arrière, il faut que j'aille à côté d'eux. Mmh. Donc au moment où sa préoccupation première, c'est la condition ouvrière, donc jusqu'en 1936, elle va travailler aux côtés des ouvriers, voilà, pour, à la fois pour être avec eux, mais aussi pour mieux comprendre. On revient donc à la vie et l'œuvre de Simone Veil, de la philosophe Simone Veil, de l'établissement de Simone Veil en usine. Je dis établissement parce que ça rappelle en fait pas mal ce que des militants ont pu faire dans les années 70, notamment les militants maoïstes, qu'on appelait les établis, qui pour aller au contact de la classe ouvrière et pour essayer de la politiser, de la conscientiser, allaient s'établir en usine. Alors l'expérience de Simone Veil est un peu différente parce qu'elle y va pas, je dirais, pour conscientiser les ouvriers, elle y va plutôt elle-même pour se conscientiser elle-même, en un sens, c'est-à-dire pour faire l'expérience de la condition ouvrière et presque même faire l'expérience dans sa chair, en fait. Il y a quelque chose de comme ça, de presque toucher du doigt la souffrance ouvrière, en fait. Il y a un truc comme ça chez elle, j'ai l'impression. Donc ça se passe entre la fin de l'année 34 et puis l'année 35. Elle fait plusieurs séjours en usine, comme ça, de plusieurs mois. Oui, elle va donc travailler sur les presses, chez Alstom, puis à la fraiseuse, puis quoi, elle fait des emplois non qualifiés systématiquement. Et comme tu dis, il y a cette dimension de ressentir la souffrance dans sa chair, parce que physiquement, ça l'atteint énormément. Hein, c'est-à-dire, elle a beaucoup de mal à tenir les cadences, elle a beaucoup d'arrêts maladie, elle supporte quoi, elle se découvre vraiment très fragile par rapport à ça. Et comme je disais, jusqu'à là, elle avait théorisé la question, et quand, après cette expérience, elle répond « qu'est-ce que ça a changé pour moi ?» Elle dit « d'un côté, ça a confirmé beaucoup de choses que je pensais, et d'un autre côté, ça a absolument tout changé, c'est-à-dire que je suis passée de l'imagination à la réalité. Mm-hmm. » Elle dit « j'ai pas acquis de nouvelles idées, j'ai juste une perspective sur la vie qui a absolument plus rien à voir avec celle que j'avais avant. » Donc pour elle, ça la bouleverse vraiment complètement, et elle verra jamais plus sa vie comme elle la voyait avant. C'est-à-dire, ce qu'elle dit, ce qu'elle a fait dans sa chair, c'est vraiment l'expérience du fait d'être sans droit, d'être un être qui n'existe pas socialement, qui est en permanence piétiné, humilié. Elle dit la condition ouvrière, c'est une condition d'exil dans son propre pays. Mmh. Et ce qu'elle a aussi approfondi lors de cette expérience, c'est sa pensée de l'oppression. Et c'est la manière dont elle se distingue le plus de Marx, c'est-à-dire que pour elle, le concept d'aliénation n'est pas très important, quoi, n'est pas le principal, notamment aussi par rapport à ce qu'est devenu l'URSS dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire si l'État est propriétaire, ou les ouvriers, et l'État en leur nom est propriétaire des moyens de production, finalement ça change rien, l'oppression peut être la même. Donc l'oppression, c'est pas le fait que les ouvriers soient dépossédés du fruit de leur travail, l'oppression c'est le fait que soumis à des machines aliénantes, soumis à une bureaucratie totalement écrasante, ils soient atteints dans leur corps, dans leur pensée et dans leur capacité même d'être libre et de vouloir faire quelque chose ou de vouloir penser quelque chose. Et je peux peut-être lire un passage. Elle écrit ça à une amie du syndicalisme sur son expérience. Elle dit j'ai pas mal appris sur l'organisation d'une entreprise. C'est inhumain. Travail parcellaire, à la tâche. Organisation purement bureaucratique des rapports entre les divers éléments de l'entreprise, les différentes opérations du travail. L'attention, privée d'objets dignes d'elle, est par contre contrainte à se concentrer seconde par seconde sur un problème mesquin, toujours le même, avec des variantes, faire 50 pièces en 5 minutes au lieu de 6, ou quoi que ce soit de cet ordre. Grâce au ciel, il y a des tours de main à acquérir, ce qui donne de temps à autre de l'intérêt à cette recherche de la vitesse. Mais ce que je me demande, c'est comment tout cela peut devenir humain. Car si le travail parcellaire n'était pas à la tâche, l'ennui qui s'en dégage annihilerait l'attention. Et c'est là qu'elle fait le lien avec l'oppression et la liberté. Elle dit « Quand je pense que les grands chefs bolcheviques prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu'aucun d'entre eux n'avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n'avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté pour les ouvriers, la politique m'apparaît comme une sinistre rigolade. » Donc il y a cette idée que les rapports sociaux et les rapports matériels dans lesquels sont pris les ouvriers, c'est-à-dire la position sur une chaîne de montage, et la position dans une hiérarchie, c'est-à-dire la manière dont les ordres sont donnés, les motivations et tout ça, c'est ça l'oppression, c'est ça qui empêche d'être libre. Mmh. Quand on est traité comme un esclave tout le temps, quand on est finalement un instrument pour les machines ou un instrument pour les chefs, on ne peut même plus avoir une idée de liberté. Mmh. Et oui, c'est là aussi où elle se distingue d'une bonne partie du mouvement ouvrier et des théoriciens marxistes, notamment de l'époque. C'est le fait qu'elle voit bien que finalement, les structures de domination ne sont pas seulement inscrites dans des institutions politiques, mais qu'elles sont aussi inscrites dans des formes de production, dans un mode de production qui est le mode de production industriel. Elle dit à plusieurs reprises dans certains de ses écrits que la question de la domination, c'est aussi une question qui se pose sur le plan de la technique et des techniques que le capitalisme sélectionne dans le cadre de la production. Alors que pour beaucoup de communistes de l'époque, ou même d'anarchistes, on a la conviction que le machinisme, c'est un pas en avant de l'humanité, parce que ça permet d'accroître la production et de résoudre la misère matérielle. Elle, au contraire, est beaucoup plus sceptique vis-à-vis de cette perspective, et dans les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, d'ailleurs, elle consacre pas mal de pages à la question de la technique en disant... Non, c'est pas du tout si évident que ça. Enfin, on résout pas du tout une misère ni morale, ni même matérielle par ces nouvelles techniques de production industrielle. Puis il y a même des passages qui sont étonnants où elle entrevoit, je lisais ça encore tout à l'heure pour préparer l'émission, où elle entrevoit ce que va être la crise des ressources énergétiques, en fait. C'est-à-dire, elle dit en plus, ce système qui a inclus en lui une sorte de développement illimité, de volonté de développement illimité, va se trouver confronté à un moment ou à un autre à la raréfaction des sources d'énergie qu'il utilise. Et donc, il y a là un aperçu à la limite prophétique sur un épuisement possible du système productiviste, en fait. Oui, mais alors c'est vrai que cette critique de la technique, ça explique aussi que pour elle, une révolution politique ne suffit pas. Mmh. C'est pour ça aussi que la révolution bolchevique a échoué, parce que s'il y a des chaînes de montage en Russie, les ouvriers ne peuvent pas être plus libres sous prétexte que le gouvernement est communiste. Et donc pour elle, sans révolution technique, il n'y aura jamais d'émancipation de la classe ouvrière. Mmh. Et ce problème de la technique, il s'étend bien au-delà de la condition ouvrière. Quand elle fera ses critiques de la guerre, c'est la même chose. Elle fait les soldats sont les esclaves des armes modernes, mmh. comme les ouvriers sont les esclaves des machines de production. Mmh. Et donc c'est le type d'arme, le type de technique d'arme qui fait que... au XXe siècle, il est impossible pour un soldat de combattre pour sa liberté. Il n'est que l'instrument des machines et de la chaîne de commandement, comme dans les usines. Donc les usines et des soldats, au XXe siècle, ce sont des esclaves, vraiment, pour Simone Veil. Donc là, on se retrouve finalement dans la problématique qui va être... on anticipe sur la problématique qui va être celle de la guerre d'Espagne. Oui. Puisque en 36 éclate la révolution espagnole, en juillet 36, dès le début du mois d'août, elle part pour l'Espagne. Elle cherche à s'engager du côté des forces républicaines, et en particulier dans le camp républicain, du côté de ceux qui sont les plus proches idéologiquement. Donc elle va aller voir les communistes oppositionnels espagnols, donc le PUM, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, qui refuse de la recruter, qui pense que c'est quelqu'un qui n'est pas assez fort pour être sur le front et pour mener des opérations comme elle le voudrait. Ils avaient raison. Voilà, ils avaient peut-être raison, effectivement. Et donc, elle se tourne vers les anarchistes, grâce à ses amis anarchistes français qui sont arrivés en Espagne aussi pour se battre du côté des antifascistes. Et elle s'engage dans la colonne de Durruti, la colonne de fer. Donc ça, ça se passe je crois, aux alentours du 10 août. Elle va rester très brièvement, puisque le 20 août, elle se blesse par maladresse, en fait. Elle met le pied dans une bassine d'huile bouillante. Et donc, elle va rester encore un mois en Espagne, soignée, mal soignée d'ailleurs, et elle va assister au développement de la révolution espagnole, qui, en fait, malheureusement, ne ressemble plus tellement à un essor qu'à une sorte de déclin, ou en tout cas de lente dégénérescence de la révolution espagnole, y compris dans le camp anarchiste. Et là, elle retrouve finalement dans les faits ce que tu décrivais, c'est-à-dire le fait que les républicains et les anarchistes en particulier se retrouvent à mettre en œuvre des moyens qu'ils réprouvaient au nom de la défense de la liberté. Donc là, on rentre sur la question de finalement, est-ce que la Révolution espagnole ne périt pas d'être une guerre ? Oui, il y a ça. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est important qu'elle combatte aux côtés des anarchistes, parce que dès 1934, quand elle sentait la guerre venir, elle avait dit que pour elle, il était hors de question de soutenir des combattants espagnols sous prétexte d'antifascisme, si ça pouvait renforcer l'appareil d'État russe. Mm-hmm. Donc les anarchistes échappaient à cette dualité. Mais en effet, ce dont elle fait l'expérience en Espagne, c'est de la contradiction entre des fins, quand ces fins de la guerre sont la libération, ou l'antifascisme, le républicanisme, et les moyens de la guerre. Et ce qu'elle observe plus particulièrement en Espagne, c'est que les anarchistes, les libertaires qu'elle connaît, ils vivent dans une telle atmosphère de meurtre, finalement, que le meurtre devient une habitude, et sous l'effet de cette habitude, on en oublie pourquoi on tue. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'elle ne condamne pas le meurtre par principe moral. Elle dit que ce n'est pas du sentimentalisme, et si elle est pacifiste, ce n'est pas par respect de la vie humaine. C'est-à-dire qu'un meurtre pourrait être justifié dans le cadre d'une guerre, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est l'habitude de tuer, qui fait qu'on en devient finalement un meurtrier, et on oublie le pourquoi. Et donc ça, c'est un des problèmes du rapport entre moyens et fins au combat, et ou même dans la vie en général, c'est que les moyens deviennent finalement une seconde nature, et ils sont beaucoup plus réels que la fin, qui est hypothétique, qui est idéale, qui s'éloigne toujours plus, tandis que les moyens, ils sont présents, et ils deviennent seul réel. Mmh. Et ce qu'elle dit de l'Espagne, par exemple, elle dit « L'atmosphère de la guerre civile l'emportait sur les aspirations que l'on cherchait à défendre au moyen de la guerre civile. Mmh. » C'est-à-dire que d'un combat pour la liberté, il ne reste plus que la guerre qui devient assez vide de sens, et ceux qui luttent pour la liberté deviennent juste des soldats et qui tuent pour... On ne sait plus pourquoi. Oui, la guerre finit par dévorer la révolution. C'est ça. Ouais. Et ce qu'elle a trouvé particulièrement tragique, c'est qu'elle a dit « Je n'ai vu personne qui ait pu résister à cet entraînement de l'âme qui devient habitué au meurtre. Mmh, » mmh. Alors, du coup, la traduction politique de cette analyse, ça va être le fait qu'elle va refuser, contrairement à pas mal de partisans du camp républicain hors de l'Espagne, elle va refuser l'engagement des autres puissances dites démocratiques en Europe aux côtés de l'Espagne républicaine. C'est-à-dire qu'elle va demander une politique de non-intervention, y compris de la France du Front populaire, aux côtés des forces républicaines, parce qu'elle est convaincue que cette atmosphère de guerre qu'elle voit dévorer toutes les libertés dans le camp républicain pourrait très bien, dès demain, se communiquer à tout le reste de l'Europe si l'Europe bascule dans cette guerre-là contre le fascisme. Donc, position assez ambiguë. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Est-ce que d'après toi ça se soutient? Enfin, est-ce qu'elle a reconnu après avoir fait une erreur? Mais oui, bien sûr, dès qu'Hitler annexe la Bohème-Moravie, elle se retourne complètement et abandonne ses positions pacifistes et les milieux pacifistes, et change d'avis entièrement. Mais à ce moment-là encore, ce qui est vraiment important, c'est les raisons. Et pour elle, en fait, elle fait de la guerre la même analyse qu'elle faisait avant de la Révolution. C'est on ne peut pas conquérir la liberté en combattant, que ce soit lors d'une révolution ou que ce soit lors d'une guerre. Mmh. C'est-à-dire que lutter pour sa liberté contre un agresseur, on est condamné à employer les moyens de l'agresseur et à devenir comme lui. Or, ça ne sert à rien d'avoir combattu si c'est pour être porteur du même mal que l'agresseur. Mmh. Donc... Mais c'est vrai que c'est extrêmement problématique. Et c'est ce qu'elle va abandonner au moment de la Seconde Guerre mondiale, en assumant totalement la contradiction, en disant la guerre corrompt, c'est nécessaire, et pourtant là, on ne peut pas ne pas la faire, mais après, il y a des raisons spécifiques sur lesquelles on reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit... Pour penser une guerre, pour penser une révolution, il ne faut jamais se demander pour quelle fin elle est faite. Les fins peuvent être formidables. La seule chose qui compte, c'est les moyens. Et les moyens entraînent mécaniquement des conséquences. Que ce soit justement par les machines, par le type d'armes, par l'organisation de l'armée ou l'organisation du camp révolutionnaire. Et ces rapports, qui sont souvent des rapports de coercition, constituent déjà des rapports sociaux, constituent déjà une sorte d'imaginaire et informent déjà la société qui pourrait advenir à l'issue du combat, qui ne peut pas être une société libre. C'est-à-dire que jamais d'une armée sortirait une société libre, jamais d'un groupement révolutionnaire combattant sortirait une société libre. Donc si on combat pour la liberté, ça ne sert à rien. C'est vraiment cette idée-là. C'est pas du tout des principes moraux qui... Oui, c'est ce qu'elle appelle une analyse strictement matérialiste des situations de conflits historiques, quoi. Oui. Elle invoque pas des principes moraux, des principes des idées morales, mais elle s'en tient à la nature même de la situation sur le terrain et des processus sociaux, on pourrait dire anthropologiques même. Quand elle parle de la violence, par exemple, il y a des choses qui sont une sorte d'analyse de la brutalisation qui se produit en situation de guerre, qui anticipe sur des analyses que des historiens peuvent faire aujourd'hui, des historiens ou des anthropologues. Oui. Mais en même temps, ce qui est beau dans le personnage de Simone Veil, c'est là où on voit toute sa sincérité et son honnêteté, c'est qu'elle continue malgré tout, depuis l'étranger, de soutenir ses compagnons anarchistes, syndicalistes, révolutionnaires, etc., qui sont engagés dans la guerre d'Espagne. C'est pas pour autant qu'elle les abandonne. Donc c'est ça aussi qui est beau dans le personnage, c'est que elle est consciente de toute la nocivité de ce qui est en train de se développer là-bas, et pourtant elle les laisse pas tomber. Elle fait c'est un soutien, ce qu'on appellerait un soutien critique en fait, à ses compagnons espagnols. Oui, ça rejoint encore ce qu'on disait au tout début, c'est elle assume totalement justement ses contradictions. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'elle a refusé de faire, c'est sous prétexte d'être déçue par un mouvement, devenir anti. Quoi. Ce qu'elle déteste, c'est la pensée binaire. Ça, elle ne supporte pas. Donc, elle a toujours une pensée plutôt plurielle. Mmh. Elle tient toutes les positions et... le fait de savoir que le mouvement est voué à l'échec et qu'il se corrompt lui-même l'empêche pas de le soutenir et d'être de son côté contre Franco, et il l'empêche pas d'avoir des amitiés. Et, elle vit toujours en composant en multipliant ses plans différents et en les accordant tant bien que mal. Donc là, on arrive à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Avec la montée des tensions entre les blocs, entre les démocraties occidentales et les régimes fascistes. Et on va voir dans quelques instants quel a été le destin de Simone Veil dans cette situation, et puis aussi quelles ont été les leçons qu'elle a essayé de tirer de ces années passées aux côtés du mouvement ouvrier. Le livre dont on parle ce soir, Simone Veil, Lecture politique, publié sous la direction de Valérie Gérard, qui est notre invitée, a en couverture une très belle image de Simone Veil en uniforme de milicienne de la CNT. Photo qui a été prise devant le siège de la CNT à Barcelone, je crois. Voilà, on a parlé de l'expérience de la Révolution espagnole. Et on arrive donc à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Le conflit... quelques mots de la transition. Après la guerre d'Espagne, Simone Veil revient en France. Elle revient dans l'enseignement, elle revient dans le combat syndicaliste, mais aussi à la lutte anticolonialiste. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis elle entame un travail de réflexion assez approfondi sur la nécessité d'une refonte d'une doctrine sociale du mouvement ouvrier, on pourrait dire ça comme ça, qui reprenne les acquis du marxisme mais qui essaye de les dépasser, qui soumette à critique les éléments du marxisme qui sont les plus tributaires de ce qu'elle appelle la pensée bourgeoise, c'est-à-dire en fait une pensée du progrès, une pensée progressiste, une pensée de l'éloge de la technique et de la science. Et d'ailleurs, elle dit explicitement à cette époque-là que bon, les instruments pour entreprendre cette réforme intellectuelle du mouvement ouvrier, ça doit être aussi un retour aux sources au premier socialisme du 19e siècle, et puis notamment à Proudhon et à la tradition libertaire. Alors elle entame ce travail de réflexion, tout en assistant aux menaces qui vont déboucher sur la montée des menaces qui vont déboucher sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis en même temps, mais ça on en parlera peut-être pas trop, mais en même temps, c'est important aussi dans la trajectoire de Simone Veil, c'est une époque où on voit apparaître chez elle des préoccupations religieuses qui vont se développer petit à petit et qui vont la conduire alors je sais pas comment dire, à adhérer au christianisme, même si elle se convertira jamais. Elle refusera le baptême jusqu'au bout, elle refusera d'entrer dans l'église justement à cause de la structure hiérarchique de l'église. Mais voilà, ça occupe une place de plus en plus grande dans ses derniers écrits. Et puis donc 1939, la guerre éclate. En 40, elle se voit contrainte de gagner la zone sud à l'arrivée des Allemands. Elle s'installe à Marseille. Elle va collaborer notamment à une revue qui, collaborer. Elle va travailler avec les membres du comité de rédaction de la revue des Cahiers du Sud, qui est une des seules revues qui a su maintenir une certaine liberté intellectuelle pendant l'occupation. Une revue qui est animée depuis la zone sud, hein, donc depuis Marseille. À l'été 41, elle va travailler comme ouvrière agricole à la campagne. Donc elle cherche toujours à garder cette proximité avec le travail manuel qu'elle avait toujours recherché. Elle proteste de manière virulente, évidemment, contre les lois antisémites qui sont prises par le régime de Vichy et qui la menacent, en fait, hein, puisqu'elle a des origines juives. Et puis en mai 42, elle décide de partir pour New York et de rejoindre les forces de la France libre. Donc elle fait un retour ensuite en Europe pour rejoindre les forces gaullistes à Londres. Et donc là, elle va travailler pendant plusieurs mois comme rédactrice pour les gaullistes, et elle va chercher à se faire envoyer en France, à nouveau son idée d'être toujours sur le terrain auprès de ceux qui souffrent, elle va chercher à se faire envoyer en France auprès des résistants pour les soutenir, mais elle est estimée, et je pense à raison, trop faible, d'une santé trop fragile. Et donc elle va commencer en même temps à écrire les textes qui vont être publiés sous le titre « L'enracinement ». Et en juillet 43, elle démissionne de ses fonctions en désaccord avec certaines des orientations de la France libre, enfin du gaullisme, c'est-à-dire la volonté de Gaulle de phagocyter en fait toutes les formes de résistance qui peuvent exister. Donc elle démissionne, et puis un mois plus tard, en août 43, en fait elle décède à la fois de malnutrition et puis on va dire des conséquences d'une suite d'atteintes à sa santé qui était là depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc elle laisse après sa mort un ensemble de textes. Alors on a parlé tout à l'heure de sa, il faut en dire un mot parce qu'on a oublié de le faire, on a parlé tout à l'heure de son expérience de la vie en usine. Une partie des textes qu'elle a écrits à cette époque-là vont être publiés sous le titre « La condition ouvrière », un livre qu'on trouve aujourd'hui en collection de poche chez Gallimard, en folio. Et puis une autre partie de ses écrits qui sont donc ceux des années 1940, pendant la Résistance, qui sont des écrits de bilan sur à la fois sur son parcours dans le mouvement ouvrier et puis une sorte d'anticipation de ce que pourrait être une France libérée. Ces écrits-là sont publiés sous le titre « L'enracinement », toujours après-guerre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces différentes œuvres posthumes, on pourrait dire, de Simone Veil, ont été publiées par Albert Camus, qui était conseillé par plusieurs de ses amis anarchistes, notamment Nicolas Lazarevitch et André Prudhomo. Donc tous ces livres ont paru à l'époque, dans les années 50, dans la collection « Espoir » chez Gallimard, dirigée par Albert Camus. Alors, on revient à l'enracinement, donc qui, on va dire par la force des choses, c'est son dernier ouvrage, son ouvrage posthume. Il a un peu le statut d'un testament intellectuel, d'un testament politique. Alors, est-ce que déjà on peut dire un mot de ce concept d'enracinement ? Qu'est-ce que Simone Veil entend par enracinement et quel est le sens politique de ce concept d'enracinement ? Oui, c'est important de commencer par là parce que c'est évidemment sujet à beaucoup de mes interprétations. C'est-à-dire qu'on a fait de Simone Veil quelqu'un qui était un peu dans la vichyiste, barésienne. C'est le culte des racines, quoi. Ouais, qu'on pourrait entendre derrière l'enracinement. Donc, pour elle, c'est pas ça. Et pour essayer d'expliquer ce que c'est, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Mmh. C'est-à-dire que Simone Veil écrit donc ce livre au service de la France libre pour la réorganisation de la France future. Et son idée, c'est qu'il faut d'abord comprendre pourquoi elle a décidé de se réengager en politique, alors qu'après la guerre d'Espagne, quand elle avait vu, déçue par sans illusion sur la guerre de libération et sans illusion sur la révolution, elle avait dit qu'elle voulait plus se mêler de politique. Et que la seule chose qui l'intéressait dorénavant, c'était la lutte anticoloniale. Et que c'était le seul domaine dans lequel elle réécrirait encore. Donc entre 37 et 40, elle écrit beaucoup d'articles sur les colonies françaises, sur l'Indochine, sur l'Algérie. Et en 1939, quand donc Hitler commence à envahir l'Europe, là, elle se remobilise. Précisément parce que pour elle, Hitler, ce qu'il est en train de faire à l'Europe, c'est de la coloniser, c'est ce qu'a fait l'Europe au reste du monde, et c'est ce qu'a fait la France en Afrique, en Asie, en Océanie. Et c'est par rapport à son anticolonialisme fondamental qu'elle pense l'idée d'enracinement. C'est-à-dire que l'enracinement, c'est quoi ? C'est le contraire de la colonisation. Parce que qu'est-ce que la colonisation ? C'est le déracinement. Je vais préciser, qu'est-ce que le déracinement pour elle ? Le déracinement, il y a déracinement, dit-elle, à chaque fois qu'il y a conquête militaire. Il y a plusieurs degrés, mais le degré ultime de déracinement, c'est quand il y a conquête militaire mais il n'y a pas de métissage, le conquérant reste sur le terrain, déporte les populations et les prive de leur mode de vie, de leur tradition, de leur mode de production, d'agriculture, de croyance, etc. Donc la colonisation déracine. Pour elle, pour Simone Veil, elle réduit les hommes à l'état de matière humaine, puisqu'elle leur enlève justement toute leur tradition à la fois matérielle, spirituelle, familiale, tous les liens sont détruits. Donc le déracinement, ça fait perdre au peuple leur passé et leur mode de vie. Donc, le contraire du déracinement, c'est l'enracinement, c'est le fait de pouvoir être ancré dans une collectivité qui a ses modes de vie, ses modes de production, ses modes de lien entre les gens. Et c'est important non pas parce que la collectivité serait bonne, mais parce que c'est ce type d'inscription dans une collectivité humaine qui permet aux hommes d'abord de penser. Mmh. Et c'est ça le plus important. L'enracinement, pour Simone Veil, c'est le besoin d'une collectivité comme condition de la vie morale, intellectuelle et spirituelle. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on perd quand on est déraciné, quand on est colonisé, c'est justement toutes les structures symboliques et culturelles qui permettent justement de mettre le monde en forme, de le penser, d'avoir des croyances, des mythes, une tradition intellectuelle. Donc ce que brise la colonisation, c'est ça. Mmh. Et Simone Veil on retrace donc l'histoire des destructions de civilisations, c'est-à-dire des déracinements. Et, pour elle, une des grandes catastrophes intellectuelles qu'a subi la France, c'est la destruction des pays d'oc de l'Occitanie au XIIIe siècle. Mmh. Et pour elle, et justement, elle écrit un article là-dessus dans les Cahiers du Sud pendant qu'elle est à Marseille, alors qu'elle écrit sur cette destruction de l'Occitanie, elle ne parle que de l'invasion d'Hitler, mais la censure ne le voit pas. Et elle dit ce qu'a montré cette expérience, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser si on a une belle âme, c'est que la force peut très bien détruire la valeur spirituelle. Mmh. C'est-à-dire que l'Occitanie, c'était une immense civilisation, il n'en reste rien. Mmh. Et elle dit, là, on est menacé de subir le même sort que les pays d'oc. Mmh. C'est-à-dire que si Hitler gagnait, ce serait toute une tradition qui vient de la Grèce, du côté de l'intellectuel, mais qui a aussi d'autres choses, c'est toute la tradition aussi révolutionnaire française de l'émancipation des peuples, tout ça, ça disparaîtrait. Mmh. Donc c'est ça qui l'a conduit à s'engager, et c'est là-dessus qu'elle écrit, parce que si le combat contre Hitler est motivé par le combat contre la colonisation, ça signifie que il faut combattre la colonisation sous toutes ses formes, y compris sous les formes que la France a promues. Mmh. Donc pour elle, il n'y a pas de combat contre Hitler sans combat contre le colonialisme français, contre l'impérialisme français. Donc il faut absolument décoloniser. Mmh. Ça doit être un des principes de la France libre. Il faut promettre ça pour la fin de la guerre. Mais aussi, il faut combattre toute la colonisation intérieure que la France a mise en œuvre, soit en important les techniques de gestion des populations des pays colonisés. Les polices ramènent toujours ça en métropole. Soit une colonisation qui est bien plus profonde et qui concerne la France aussi bien au niveau les ouvriers, donc il y a le déracinement ouvrier, les paysans, le déracinement paysan et la nation. C'est-à-dire que pour Simone Veil, la forme de la nation, c'est une forme de déracinement radical. Mmh. Et c'est là où on voit bien qu'elle est pas cette thématique-là n'a rien de quelque chose d'extrême droite, quoi. C'est-à-dire non. Que la nation, c'est le déracinement. Nation, c'est le déracinement. Parce que ce qui est important dans les racines, c'est pas seulement d'avoir des racines qui seraient bonnes, c'est le fait d'avoir... il faut avoir plusieurs racines et que les racines circulent entre elles, parce que la vie intellectuelle, c'est pas quelque chose qui peut subsister dans un milieu qui est fermé, donc ça doit circuler. Donc les circulations sont aussi essentielles que les inscriptions. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, elle soumet à une sorte de réélaboration le concept de colonisation, en parlant par exemple, donc tu le disais, d'une colonisation des campagnes, on peut dire par le développement industriel, avec l'exode rural, le fait qu'on transporte les paysans dans les usines. Elle parle, donc ça c'est une forme de déracinement, et puis il y a encore une autre forme de déracinement qui est, elle parle de la colonisation du territoire par l'État. La colonisation de la France par l'État, en fait, par l'État français, qui conquiert les provinces les unes après les autres, les investit, les quadrille, les réaménage. Donc en fait, il y a une colonisation, on pourrait dire, multidimensionnelle. Et la résultante de ça, c'est le déracinement universel, en fait, le déracinement de tous les individus à l'époque moderne. Oui. Et. Pour elle, la colonisation intérieure française ou le déracinement français, c'est le résultat de l'unification étatique en France depuis le XIIIe siècle. Mmh. Et elle dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'État a remplacé toutes les autres collectivités. Mmh. C'est-à-dire que peu à peu ont été détruits évidemment les régions, puis les corporations, les compagnonnages, les syndicats. Donc tous ces milieux de vie justement qui permettaient aux hommes d'avoir plusieurs ancrages à chaque fois ont été détruits pour qu'il n'en reste plus qu'un. Et donc ça c'est la première étape de la colonisation. Et elle dit que par exemple la politique, la concentration étatique sous Louis XIV a eu pour résultat que, je la cite, parmi les territoires placés sous l'obéissance du roi de France, certains se sentaient des pays conquis et étaient traités comme tels. Donc c'est vraiment ce processus de conquête intérieure. Mmh. Et le deuxième facteur de déracinement, c'est l'argent. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand tout ne se mesure plus qu'à l'aune de l'argent, et c'est devenu la seule mesure d'une valeur. Ça, c'est le deuxième aspect de la colonisation. Donc ça, c'est important parce qu'elle est fondamentalement contre la nation, contre l'État. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait au moment où elle résiste pour sauver la France contre l'Allemagne ? Elle dit quelque chose qui est très important, c'est que là, ce qui est en jeu, c'est en aucun cas de sauver une nation comme contre une autre. Il s'agit pas de faire respecter des frontières ou des choses de ce genre qui, pour elle, n'ont aucune valeur. Il s'agit de sauver une collectivité qui est, face à l'Allemagne, la condition de la transmission de certaines valeurs. Mmh. Et parmi ces valeurs, il y a la liberté qu'elle rapporte à la Révolution de 89 et la conception de la vérité héritée de Platon. Donc la conception de la pensée qui de la pensée universelle, voilà, qui domine la... qui échappe à la force et au relativisme, mais avec cette idée que justement cette pensée universelle, elle a des conditions matérielles très précises et elle pourrait bien disparaître si ces conditions sont éliminées, si un pays dans lequel l'héritage s'était fait disparaissait. Ouais. Et alors dans ce livre, dans l'enracinement, il y a aussi quelque chose qui est très beau, c'est qu'elle peut pas s'empêcher par moment de se livrer à une sorte de verve utopique. Il y a plusieurs passages dans lesquels elle essaie de décrire ce que pourrait être une société libérée, libérée dans tous les sens du terme, libérée aussi bien de l'occupation nazie que libérée de la puissance de l'argent, libérée d'une industrie qui détruit l'humain. Elle décrit, alors en particulier, elle va tirer les conséquences de son expérience en usine. Elle va essayer d'imaginer des nouvelles formes de production qui seraient à la mesure de l'homme. Donc elle va notamment entretenir une correspondance assez intéressante avec un spécialiste des machines, d'une science des machines, un certain Laffitte, qui écrit des ouvrages de mécanologie à l'époque. Et elle va essayer d'imaginer avec lui, par correspondance et à la lecture de ses livres, une possibilité de révolution technique, mais qui serait non pas vers une sophistication ou vers un accroissement des capacités des machines, mais plutôt vers une diminution de leur taille, vers une possibilité de les répartir de manière plus équitable sur le territoire, de les remettre à l'échelle humaine, c'est-à-dire en fait de rendre les ouvriers propriétaires de leurs outils de production, ce qui a finalement toujours été l'objectif du socialisme, mais sous la forme d'une propriété individuelle strictement limitée, et des machines qui combineraient à la fois l'efficacité du machinisme et le plaisir et la qualité du travail effectué qui sont ceux de l'artisanat. Dans un des textes de l'Enracinement, peut-être je peux citer comment est-ce qu'elle voit ça. Elle dit... Voilà comment est-ce qu'elle imagine en fait l'avenir de cette société. Elle dit « Les grandes usines seraient abolies. Une grande entreprise serait constituée par un atelier de montage relié à un grand nombre de petits ateliers, d'un ou de quelques ouvriers chacun, dispersés à travers la campagne. Ce seraient ces ouvriers, et non des spécialistes, qui iraient à tour de rôle par période travailler à l'atelier central de montage, et ces périodes devraient constituer des fêtes. » Le travail n'y serait que d'une demi-journée, le reste devant être consacré aux liens de camaraderie, à l'épanouissement d'un patriotisme d'entreprise, à des conférences techniques pour faire saisir à chaque ouvrier la fonction exacte des pièces qu'il produit et les difficultés surmontées par le travail des autres, à des conférences géographiques pour leur apprendre où vont les produits qu'ils aident à fabriquer, quels êtres humains en font usage, dans quelle espèce de milieu, de vie quotidienne, d'atmosphère humaine, ces produits tiennent une place, et quelle place. À cela s'ajouterait de la culture générale. Une université ouvrière serait voisine de chaque atelier central de montage. Et en fait, là, dans ce projet-là, on a exactement le projet du syndicalisme révolutionnaire tel que Pelloutier pouvait l'exposer à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui est en fait le projet à la fois de la bourse du travail, avec à l'intérieur les capacités, les possibilités données à l'ouvrier de se cultiver lui-même, et en même temps de connaître la totalité du processus productif, donc de retrouver une souveraineté sur le processus productif. Donc on voit que même plus de 10 ans après son engagement aux côtés des syndicalistes révolutionnaires, elle a conservé cet idéal de la souveraineté de l'ouvrier sur le processus productif, sur son propre travail, mais en lui donnant les couleurs d'un socialisme artisanal, de la très petite industrie, on pourrait dire de la petite entreprise, d'une manière qui est assez intéressante, puisque du coup elle rentre en conflit complètement avec les idéaux progressistes du marxisme traditionnel, quoi. Oui, mais là-dedans, ça peut donner un exemple pour comprendre ce concept d'enracinement, parce que c'est bien une réponse au déracinement ouvrier. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que l'ouvrier est déraciné? Ça veut dire finalement qu'il est au dehors du processus de production, c'est-à-dire qu'il en est l'instrument, mais il en est exilé parce que il n'a pas la possibilité de comprendre effectivement ce qu'il fait par rapport aux machines, comprendre le rôle social de ce qu'il fait. C'est-à-dire il n'a pas la capacité de comprendre finalement son utilité sociale, le dispositif et la place de ce qu'il fait a dans l'entreprise et dans la vie sociale. Et deuxièmement, ça c'est quelque chose qui avait beaucoup choqué Simone Veil à l'usine, c'est que il y a une telle violence dans l'organisation humaine de l'usine que les rapports de camaraderie sont impossibles. Ce qui est aussi une forme de déracinement parce que ça implique que l'ouvrier est vraiment un désaffilié. C'est-à-dire qu'il n'a pas de lien à ses compagnons de travail et il n'a pas de lien non plus à l'usine pour laquelle il n'est qu'un pion. Donc penser ça, c'est cette appropriation intellectuelle du travail par l'ouvrier et la possibilité de développer des liens, ce sont les deux dimensions d'un enracinement ouvrier. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment elle... Pour essayer de penser cette réinscription de l'ouvrier dans une collectivité de travail, qui soit une véritable collectivité culturelle, avec des coutumes, avec un mode de vie spécifique, etc., elle reprend à la fois des éléments au syndicalisme révolutionnaire, donc à Pelloutier, à des auteurs comme ça, de ce type-là, et en même temps, elle reprend des éléments à des traditions plus anciennes, comme celle du compagnonnage, En montrant le syndicalisme comme une sorte de prolongement de ce compagnonnage, alors qu'on a d'habitude, on a l'habitude de dire que le syndicalisme s'est opposé au compagnonnage et lui a succédé dans l'histoire comme quelque chose d'antagoniste, qu'il a amené la lutte des classes alors que le compagnonnage ne le contenait pas. Elle dit non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, elle évite ou elle réfute le reproche de... comment dire, de passéisme ou de fascination réactionnaire pour le passé, toujours dans l'enracinement. Elle dit quelque chose qui est assez beau et qui est assez hérétique, je pense même encore aujourd'hui pour pas mal de militants, et peut-être je cite le passage. À ce propos, elle dit « Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. » L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien et ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres vies, d'autres sèves, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. L'amour du passé n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la révolution puise toute sa sève dans une tradition. Et là, exemple, au début de ce siècle encore, peu de choses en Europe étaient plus près du Moyen-Âge que le syndicalisme français, unique reflet chez nous de l'esprit des corporations. Les faibles restes de ce syndicalisme sont au nombre des étincelles sur lesquelles il est le plus urgent de souffler. Depuis plusieurs siècles, les hommes de race blanche ont détruit du passé partout, stupidement, aveuglément, chez eux et hors de chez eux. Si à certains égards il y a eu néanmoins un progrès véritable au cours de cette période, ce n'est pas à cause de cette rage, mais malgré elle, sous l'impulsion du peu de passé demeuré vivant. Le passé détruit ne revient jamais plus. La destruction du passé est peut-être le plus grand crime. Aujourd'hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe. Et c'est parce que le passé ne subsiste que si des collectivités en maintiennent la mémoire, et c'est pour ça qu'il faut des collectivités. Et c'est la seule chose qu'ont de positif les collectivités. Mmh. C'est-à-dire que ce ne sont que des moyens, mais des moyens sans lesquels il n'y a justement pas ce passé, pas cette tradition, et donc pas toute cette vie intellectuelle, spirituelle... Qui ouvre à une émancipation. Qui ouvre à une émancipation. Mmh. Bon, voilà, donc c'est voilà ce qu'on peut dire en somme sur l'enracinement. Donc comme je le disais... Les écrits de Simone Veil en fait ont surtout été connus après-guerre en fait par l'intermédiaire d'Albert Camus. Aujourd'hui, alors pour renvoyer un peu les auditeurs à des points d'ancrage s'ils veulent découvrir l'œuvre de Simone Veil, ce qu'on peut dire c'est que ses grandes œuvres, donc les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, sont disponibles en livre de poche. Chez Folio Gallimard, l'enracinement également, la condition ouvrière également. Il y a aussi un volume de ses œuvres qui a été publié toujours chez Gallimard dans la collection Quarto, les œuvres de Simone Veil, qui contient beaucoup d'autres textes épars, des articles, des correspondances, des choses comme ça, beaucoup de renseignements biographiques aussi sur le parcours, la vie de Simone Veil. Il y a aussi un petit texte qui a été publié à part, alors ça on n'en a pas parlé malheureusement, mais je pense que ça intéresserait beaucoup nos auditeurs. C'est un petit article que Simone Veil avait écrit, qui n'a été publié qu'après sa mort, qui s'appelle « Notes sur la suppression générale des partis politiques ». Qui a été réédité aux éditions Climat il y a quelques années, qu'on trouve aussi dans le commerce. Et puis surtout, donc il y a le livre dont tu t'es occupé, Valérie, qui s'appelle Simone Veil, lecture politique, qui est publié aux éditions Rue d'Ulm. Et puis, il y a un dernier ouvrage qu'on peut conseiller aussi, puisqu'il a été écrit par, enfin dirigé par quelqu'un qui nous est proche. Simone Veil, Le travail de la vie, l'œuvre de la pensée, publié aux éditions Sulliver, sous la direction de Charles Jacquier, qui est en fait qui rassemble les actes d'un colloque qui s'était tenu sur Simone Veil et sur ses engagements politiques. On trouvera notamment plusieurs articles sur la question de Simone Veil et la guerre d'Espagne, Simone Veil et le syndicalisme révolutionnaire, et des témoignages de militants ouvriers qui l'ont connue de près et qui se souviennent d'elle avec émotion.